là-bas prend le menton. Qui boule donc, qui boule donc, qui boule donc, qui boule donc l'argent de nos familles. Nous sommes des peuples fiers. Voilà le cœur des jeunes gens de bonne famille. Ils ne sont pas intelligents, oh, pas du tout intelligents. Mais comme ils ont beaucoup d'argent, leurs maîtresses sont très gentilles. Nous croquons l'argent de nos papas, des papas et des grands-papas. Et des papas, des grands-papas, des grands-papas, des grands-papas, nos papas ne viennent pas. Ah, qu'il est doux printemps d'avoir ton âge et de compter en belle dans les héritages. Pas tant qu'il n'en peut pas de gueule. Et tandis que nous roulerons à plein poumon, nous chanterons, nous chanterons.